la chambre qui est moi, ou plus exactement, le jour s'efface, je mens, mais qui est moi? Rien qu'une mémoire faite sur mes yeux, souvenir salé, aussi sélectif qu'une machine à laver, les jours ternissent aux marées basses, tu cries. Tu ne me fais plus envie, visage caché, je n'étais qu'un tas de vêtements mouillés, un cœur qui bat. Amer, ici, je crachais par terre, je ferai un trou dans les algues vertes. Il fait sombre dans la pièce, là, je joue, donne-moi la main, je te ferai tomber dans ce trou où tu avais le mauvais rôle, pas best of les essais. Sans bobine, sans film, ma mémoire imprime ma chute de fierté défaite. Je ne suis qu'une femme laissée dans la neige qui fond. Une chose que l'on ne veut plus au fond. Le soir est tombé. Là, je m'en plus, j'étais des photos en confetti, j'ai déchiré ton image, flottant doucement sur la plage. Si tu colles les bouts des pages, tu trouveras sur ton l'œil où la bouche était trop lucide, où le cœur était plus large.